touché moi, ça qu'a fait moi frémi. Là qu'a touché moi, ça qu'a excité moi, qu'a fait moi trembler. Les coques la chantezie, a ouja ouvert poupée, ben moi force là. L'amour en fonzie, c'est l'amour frissonnant, qu'a fait au flashy. Regardez moi ou qu'a fixé moi, ça qu'a fait moi frémi. Là ou qu'a touché moi, ça qu'a excité moi, qu'a fait moi trembler. Thank you.